Chapitre 9e, Plata, Plomo et pollinisation. Cela faisait bien 3 ans que Christophe Simard, plus connu sous le nom de Totov, n'avait pas mis les pieds au manoir de Laers. Perché sur les collines dominant Bellem, au cœur des paysages verdoyants du Perche, cet imposant édifice appartenait à la famille Le Rondeau de la Modiquière. C'était la demeure ancestrale de Camille, son amie d'enfance, une aristocrate au charme insolent et à l'excentricité délibérée. Avec elle, il avait souvent arpenté les nuits interlopes de Paris, toujours prêt à plonger dans des aventures imprévisibles. Cette fois, la jeune femme l'avait prié de venir prendre le thé, évoquant une mystérieuse collaboration artistique. Pour Totov, musicien dont la carrière oscillait entre l'échec et l'oubli, cette invitation éveillait forcément la curiosité, d'autant que Camille, plasticienne de renom, voyait sa côte grimper en flèche sur le marché de l'art ces derniers temps, tandis que ses propres compositions musicales restaient confinées à l'anonymat. Parmi les demandes étranges qu'elle lui avait adressées au téléphone, une en particulier avait failli le froisser. Camille lui avait demandé, presque avec insistance, d'abandonner son look habituel de rasta blanc pour revêtir ce qu'elle avait qualifié d'un ton moqueur mais ferme d'habit de premier communion. Perplexe, il avait tenté d'en savoir plus, mais fidèle à son habitude, Camille avait soigneusement brouillé les pistes. « Ne t'inquiète pas, Totov, c'est juste un test. Enfin, disons deux. » Une pause, calculée, avant d'ajouter avec un sourire dans la voix. « Et puis, on aura besoin de toi pour expérimenter un produit maison, un projet très exclusif. » Elle n'avait pas attendu sa réponse pour glisser dans ton complice une dernière phrase encore plus troublante. « Oh, et puisque tu seras là, ce serait dommage de ne pas moissonner ensemble, tu ne crois pas ?» Laissant son esprit se perdre en conjectures, Toto finit par comprendre l'allusion. Moissonner, il voyait très bien. Cela faisait des années qu'il n'avait pas jeté un œil aux plants de cannabis qu'il avait discrètement semé dans un recoin isolé de la forêt bordant le domaine. Mais ce qu'elle sous-entendait par ce test et ce produit maison restait pour lui un mystère entier. Ce fut donc avec un mélange d'appréhension et de curiosité qu'il se présenta le jour dit, apprêté comme jamais, à l'heure précise du thé. Mais à peine avait-il franchi les grilles du parc qu'une vision inattendue l'accueillit. Le manoir, autrefois en décrépitude, était maintenant cerné d'échafaudages. Des fourgonnettes siglées de locaux d'artisans d'art s'éparpillaient dans la cour comme une véritable ruche en effervescence. Perché sur le toit, un ardoisier martelait avec précision des plaques grises, ses gestes ponctués par des éclats sonores, tandis qu'il pestait contre une fuite tenace, invisible à l'œil nu. Plus bas, un tailleur de pierre se battait avec un bloc imposant, la meuleuse crachant des gerbes d'étincelles dans un bruit assourdissant, comme une symphonie brute dédiée à la matière. Totov passa devant une fourgonnette dont le logo attira son regard, un dessin stylisé d'un mur à pierre sèche, accompagné d'une devise insolite, « Botoro, l'art du beau ». Elle arracha Totov un sourire amusé. Plus loin, un muraillier, les manches retroussées, ajustait méticuleusement une rangée de moellons sans une goutte de mortier sous l'œil sévère d'un contremaître qui hochait la tête en silence. La scène imposait le respect par son ampleur et sa précision. Contemplant cette effervescence, Totov ne put retenir une pensée moqueuse. Ils ont dû gagner au loto, ces sangbleus. Mais derrière cette façade de travaux dantesques, une question subsistait. Pourquoi Camille avait-elle insisté pour qu'il vienne aujourd'hui au beau milieu de tout ce chantier? Et quels pouvaient bien être ces tests mystérieux auxquels elle comptait le soumettre? Le décor était planté, le mystère, lui, ne faisait que s'épaissir. Assis bien sagement autour de la table basse du salon, Christophe jouait les invités modèles, un sourire poli figé sur les lèvres et une tasse de thé fumante entre les mains. Autour de lui, tout n'était que luxe discrètement affiché, les fauteuils capitonnés, les tapis persans, le scintillement doré des appliques murales sur des boiseries immaculées. Un décor si impeccable qu'il semblait vouloir écraser toute spontanéité. Face à lui, la baronne Jeanne, mère de Camille et maîtresse incontestée des lieux, le jaugeait avec l'assurance condescendante des vieilles dames pour qui la bienséance est une seconde nature. Derrière ses lunettes à monture fine, son regard perçant balayait Christophe, comme si elle disséquait l'homme derrière le sourire. Elle sirotait une gorgée de thé, pose ensuite la tasse sur sa soucoupe avec un tintement soigneusement calculé. « Alors, Christophe, que devenez-vous ? Toujours dans la musique ? » lança-t-elle d'un ton poli, mais empreint de cette ambiguïté particulière où se mêlaient intérêt et indifférence. Le tout Jourdan résonnait comme un jugement voilé, une invitation implicite à justifier son choix de vie. Christophe, pourtant, conserva un air léger et choisit une pirouette désinvolte pour esquiver la question. « Oh, vous savez, je continue à composer et à jouer, ici et là. Ce milieu est exigeant. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. » répondit-il avec un détachement fin, noyant les aspérités de sa situation dans un flot artistique parfaitement entretenu. Le silence qui suivit pesa un instant, seulement troublé par le grésillement d'une bûche dans l'âtre. Pour échapper à cette ornière sociale où il risquait de s'embourber, Christophe changea habilement de terrain. « Je vois que vous avez entrepris de grands travaux, madame la baronne. Les rénovations sont impressionnantes. Cela doit coûter une petite fortune. » Jeanne se redressa légèrement, ses tresses illuminant d'un sourire satisfait. « Oh, c'est vrai. Ces rénovations sont un projet colossal. Mais nous avons eu une chance inouïe, grâce à Victor, notre futur gendre. » Le sourcil de Christophe s'arqua, intrigué. « Vraiment ? Oui. Figurez-vous qu'il connaît personnellement Stéphane Bern. C'est grâce à lui que nous avons obtenu une subvention exceptionnelle de la Fondation du patrimoine. Vous savez, cette initiative pour préserver les bâtiments historiques de France. » Elle accompagna ses paroles d'un léger rire, empli de fierté. Ses doigts caressèrent distraitement la dorure d'une moulure toute neuve, comme pour en savourer la consécration. Christophe hocha la tête, un sourire poli figé sur les lèvres, mais une étincelle de scepticisme brillait dans son regard. Qu'il s'agît de la supposée amitié entre Victor et Stéphane Bern ou de la subvention miraculeuse, il y avait quelque chose qui sonnait faux. Victor, le pragmatique, ne lui semblait pas taillé pour la philanthropie. Ce que Jeanne ignorait, et ce que Christophe, avec un mélange d'amusement et de scepticisme, préférait ne pas approfondir, c'était que cette manne providentielle n'avait probablement rien à voir avec le loto du patrimoine. Les moulures rutilantes, les lambris sculptés, les tapisseries flambant neuves, bien que somptueux, avaient quelque chose de dérangeant, trop de faste, trop vite. Pourtant, il n'avait pas encore de certitude, juste une impression, un doute sourd, qui s'était insinué, les tours d'un dîner mémorable, une semaine plus tôt, au Zumba Café. Ce soir-là, Prisca, sa compagne, avait enflammé la conversation. Autour de la table, Camille, Victor, Prisca et Christophe partageaient un repas qui semblait venu tout droit des ruelles de la Havane. Croquetas de jambon, mores et cristianos, et le célèbre repas Vieira, le tout arrosé de cocktails où le rhum rivalisait de générosité avec les arômes tropicaux. Camille, fidèle à son goût pour les saveurs exotiques, sirotait un Mary Pickford, mélange de rhum, jus d'ananas et sirop de grenadine. Après d'autres daiquiris, Prisca s'était lancée dans un exposé passionné sur ce qu'elle appelait la cubania, l'âme cubaine. Elle parlait avec cet éclat qui la rendait irrésistiblement captivante, sa voix vibrante et dansante, ses gestes ponctuant chaque mot avec grâce. « Ah, mais vous savez, nous, les Cubaïens, nous faisons la différence entre la nationalité cubaïenne, la cubanidia et la cubania, l'âme cubaine, » expliqua-t-elle en roulant légèrement les airs et traînant sur certaines syllabes. « La cubania, c'est dans les gestes, les rires, la manière de partager, de danser, de vivre au présent. C'est une sainte solida empreinte de mélancolia, un acte de résistance à part entière. C'est ainsi que nous voyons le monde. » Elle s'était tournée vers Christophe, lui lançant un regard enfiévré. « Et toi, mon Totov, tout là dans le sang, même sans le savoir, et c'est pour ça que je t'aime tant, et oui. Tu ris comme un cubain, tu vis comme si demain n'existait pas. Ça, c'est la cubania. » Camille avait éclaté de rire, posant son verre sur la table. « Et voilà, Totov, te voilà naturalisé cubain par mariage. » Prisca haussa les épaules avec espièglerie, un sourire joueur aux lèvres, avant de poser son regard sur Victor. Lui était resté silencieux mais attentif, le mojito à la main. Puis, comme si l'alcool avait réveillé son goût du débat et de la controverse, la conversation avait dérivé, presque naturellement, vers les figures héroïques et ambivalentes, Che Guevara, Scarface, Pablo Escobar. « Ah, mais vous savez, les grandes figures comme Scarface ou Escobar, ce ne sont pas seulement des criminels !» avait lancé Prisca en jouant avec son verre, ses yeux pétillants. « Ils incarnent une forme de rêve. Et pas un rêve noble, bien sûr, mais un rêve quand même, celui de transformer la misère en pouvoir. Et... » Christophe, intrigué mais mal à l'aise, avait tempéré. « et à quel prix ? Prisca avait ri doucement, un éclat presque mélancolique dans la voix, tout en traînant légèrement sur les mots. « Oui, mais c'est ça, l'Amérique latine. Et rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. » Pablo Escobar, par exemple, disait toujours « Plata o plomo. Eh, l'argent ou le plomb. Tu acceptes un pot de vin ou tu reçois une balle dans la tête. Eh, mais ah, il ne faut pas oublier qu'il a aussi construit des écoles, des terrains de foot. » Christophe, pensif, s'était tourné vers Victor, cherchant une réaction. « Et toi, Victor, qu'est-ce que tu en penses ?» Victor avait levé son verre avec un léger sourire presque imperceptible, mais chargé d'une gravité insoupçonnée. « Je pense que savoir transformer le plomb en argent, c'est là que réside le génie. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, simplement de compétences et d'opportunités. » Sur le moment, Christophe n'avait pas relevé la profondeur des mots de Victor. L'alcool, les rires et l'ambiance chaleureuse du Zumba Café semblaient amortir tout sous-entendu. Prisca, elle, avait rapidement repris sur un ton plus léger, évoquant Scarface, le célèbre cubain de cinéma, et son ambiguïté, héros pour certains, monstre pour d'autres. Mais maintenant, dans le salon de la Herse, entouré des boiseries fastueuses et de tapisseries flambant neuves, les mots de Victor revenaient à Christophe avec une intensité nouvelle. Plata o plomo. L'argent ou le plomb, un choix simple, binaire, mais chargé de conséquences. Il promena son regard sur les moulures éclatantes, leur dorure presque trop parfaite. Une pensée le traversa. Cette richesse retrouvée, ce faste retrouvé, n'avait-il pas été forgé dans le feu d'un tel dilemme ? Il repoussa cette idée comme on éteint une braise trop vive, refusant de laisser le doute envahir ses pensées. Pourtant, une ironie involontaire lui arracha un sourire en coin. Victor, avec sa manière unique de transformer le plomb en or, méritait sans doute un prix Nobel d'alchimie. À sa façon, il avait probablement trouvé la pierre philosophale. Soudain, un tourbillon d'énergie fit irruption dans la pièce. Camille, vêtue d'une chemise en lin froissé et d'un pantalon ample qui semblait narguer les conventions, déboula dans le salon. Son sourire radieux, éclatant comme un rayon de soleil inattendu, balayait l'atmosphère légèrement compassée. « Totoff !» lança-t-elle joyeusement, avant de l'embrasser sur les deux joues avec une familiarité qui fit imperceptiblement tiquer la baronne, dont le regard s'attarda une fraction de seconde sur cet éclat de spontanéité. D'un geste vif, Camille déposa sur la table basse un pot de miel en verre blanc uni. Une étiquette dorée, élégante dans sa sobriété, proclamait fièrement « Miel de la baronnie, miel de châtaignier ». Le couvercle, d'un doré brillant, captait la lumière et scintillait comme un bijou oublié dans cette pièce feutrée. « Tiens, goûte-moi ça !» dit-elle en désignant le pot d'un doigt gracieux, un sourire malicieux flottant sur ses lèvres. Intrigué, Christophe posa sa tasse et s'empara du pot. Il déboucha le couvercle, révélant un miel épais et ambré, d'une consistance parfaite. L'odeur boisée et légèrement fumée chatouilla ses narines, évoquant les profondeurs mystérieuses des forêts du Perche. Plongeant une cuillère dans le nectar, il en goûta une généreuse portion. Dès qu'il porta le miel à sa bouche, ses papilles furent assaillies par une symphonie de saveurs. La douceur intense, équilibrée par une subtile amertume et des notes terreuses typiques du châtaignier, semblait lui murmurer une histoire ancienne, enracinée dans les sols profonds et les feuillages denses du domaine. Christophe ferma les yeux, emporté par une extase gustative qu'il n'avait pas anticipée. « Eh bien ?» fit Camille en riant, les yeux pétillants d'amusement. Christophe rouvrit les yeux, visiblement secoué par l'expérience. « C'est divin » balbutia-t-il encore sous le choc. Camille s'installa face à lui, un air ravi illuminant son visage. « Je savais que ça te plairait » lança-t-elle, fière de son effet. « Ce miel, c'est le fruit du travail de père, mais je voulais que tu le goûtes avant de te parler de mon idée. » Christophe haussa un sourcil intrigué. « Quelle idée ?» Camille esquissa un sourire énigmatique. « Patience, jeune homme, quand on parle du loup. » Effectivement, à cet instant précis, le baron fit son apparition dans l'encadrement de la porte. Haut et massif, il portait dans ses bras un carton débordant de pots de miel. Sa présence imposante, soulignée par le léger grincement du plancher sous ses pas, attira immédiatement l'attention. Il s'avança sans un mot et déposa le carton avec un soin méthodique sur une pile d'autres, soigneusement aligné dans un coin de la pièce. « Christophe » lança-t-il de sa voix grave et chaleureuse, tout en tendant une main large comme un battoir. Totov se leva précipitamment, serrant la main du baron avec un mélange d'hésitation et de respect. Le baron s'installa ensuite à la table, où une chaise, un peu trop fragile pour sa carrure, protesta légèrement sous son poids. « Alors, jeune homme, comment trouvez-vous mon miel ? » demanda-t-il, un sourire satisfait éclairant son visage buriné. Christophe, encore marqué par la dégustation, répondit sans hésitation « Absolument exceptionnel. Un goût unique, puissant, parfaitement équilibré. Vraiment, un pur bonheur pour les papilles. » Le baron hocha la tête, visiblement ravi. « Vous voyez, c'est Camille qu'il faut remercier, » dit-il en jetant un regard plein de tendresse à sa fille. « C'est elle qui a eu l'idée de déplacer nos ruches en lisière de la forêt, près de l'ancienne métairie. Là-bas, les châtaigniers sont magnifiques et les abeilles semblent s'y régaler. Résultat, ce miel a une saveur incomparable. Depuis, nos pots partent comme des petits pains. » Il ponctua sa déclaration d'un rire tonitruant qui fit légèrement vibrer la porcelaine sur la table. « Rien à voir avec le miel toute fleur que je produisais avant, » ajouta-t-il avec une pointe d'autodérision. Christophe se força à sourire, mais une vague d'inquiétude s'insinuait derrière son masque de décontraction. L'ancienne métairie. Il connaissait cet endroit mieux que personne. C'était là qu'il avait épaulé Camille dans leur petite escapade audacieuse, lorsqu'ils avaient installé cette plantation clandestine de cannabis à l'abri des regards indiscrets. Jamais il n'aurait imaginé que ce petit trip borderline finirait par se retrouver littéralement dans les pots de miel de la baronnie. Tout en conservant un air détaché, il trempa une nouvelle fois sa cuillère dans le pot de miel, savourant ce qu'il percevait désormais comme une œuvre d'art involontaire, fruit d'une collaboration aussi improbable que risquée. Le baron, quant à lui, rayonnait de fierté. Il attrapa un autre pot sur la table, le fit tourner entre ses mains robustes comme un trophée, puis déclara avec enthousiasme « Je vous assure, ce miel semble rendre les gens heureux. Vous n'imaginez pas les compliments que je reçois de mes clients. » Son visage s'éclaira tandis qu'il racontait. Une dame m'a dit récemment qu'elle n'avait pas autant ri depuis son premier bal masqué à l'opéra en 1962. Vous vous rendez compte? Rien qu'une cuillère sur son pain grillé et voilà qu'elle retrouve sa jeunesse. Il se redressa sur sa chaise, le menton légèrement levé, savourant le triomphe de son nectar forestier. « Ah, vraiment ?» répliqua Christophe avec un sourire en coin, feignant l'innocence. « Et selon vous, quel est le secret de ce bonheur ?»« Mais les châtaigniers, bien sûr !» répondit le baron sans la moindre hésitation. « Ces arbres sont les véritables bienfaiteurs de l'humanité. Vous savez, j'ai toujours dit que la nature récompensait ceux qui lui rendaient hommage. Voyez les résultats !» Camille, jusque-là, occupée à jouer distraitement avec sa cuillère, murmure avec malice. « Oui, une récompense, divine, sans doute. » Le baron hocha vigoureusement la tête, visiblement sourd aux sous-entendus glissés dans la voix de sa fille. « Exactement, un miracle, voilà ce qu'est le miel, une alchimie parfaite entre les abeilles et ces arbres majestueux. » Christophe, toujours curieux, se pencha légèrement en avant, un éclat malicieux dans le regard, adoptant un air faussement sérieux. « Et vos clients, ils se sentent mieux ?» Le baron s'anima aussitôt, comme s'il n'attendait que cette question pour laisser libre cours à son enthousiasme débordant. « Mieux, oh bien mieux! Vous devriez voir les témoignages sur mon site internet. Tenez, prenez ce père de famille, par exemple. Avant, ses enfants étaient, comment dire, intenables, de vrais petits diables. Mais depuis qu'ils prennent une tartine de ce miel au petit-déjeuner, tout a changé. Ils méditent maintenant, ils écoutent de la musique classique dans leur chambre. Il m'a même écrit pour me remercier. Il parle de paix retrouvée. » Christophe sentit ses lèvres se contracter dans un sourire, luttant pour ne pas éclater de rire. À ses côtés, Camille, incapable de se contenir, étouffa un gloussement derrière sa serviette en lin, ses épaules secouées d'un fou rire mal maîtrisé. Ignorant totalement la scène, le baron poursuivit, emporté par son propre récit. « Et puis il y a Ginette, vous savez, cette dame âgée du village. Elle m'a confié que depuis qu'elle met une cuillère de mon miel dans son gourme du soir, ses parties de Scrabble avec ses amis sont devenues... « Comment a-t-elle dit déjà ? Ah oui, transcendante. Elle m'a parlé de fou rire à en pleurer, de soirées où elle se sent à nouveau jeune. » Christophe hocha lentement la tête, un sourire amusé flottant sur ses lèvres. « Remarquable, vraiment. Vous avez créé un produit qui transforme des vies. » Le baron le fixa, l'air d'un homme ayant déchiffré les mystères de l'univers. « Eh bien oui, c'est un don, » conclut-il avec une modestie feinte. « Je ne fais que servir la nature. » Mais à cet instant, Christophe ne pouvait s'empêcher de penser que ce don venait aussi d'ailleurs, d'un coin reculé de la métairie, où les abeilles, sans le savoir, avaient butiné bien plus que des fleurs de châtaignier. Le baron, visiblement ravi, poursuivait sa description passionnée des abeilles, détaillant leur rôle dans l'équilibre de la nature avec l'enthousiasme d'un apiculteur devenu poète. Christophe, cependant, n'écoutait que d'une oreille distraite. Il luttait pour ne pas éclater de rire en croisant les regards de Camille, dont les sourcils levés et l'expression malicieuse trahissaient une envie évidente de secouer la solennité du moment. Mais Christophe, les yeux baissés vers sa cuillère, réfléchissait à autre chose. Chaque goutte de ce nectar, divine ou coupable, semblait porter en elle les traces d'une farce cosmique, où la nature et l'audace humaine s'étaient alliées sans jamais le vouloir. Dans le salon, le baron continuait son monologue passionné sur les bienfaits insoupçonnés du miel, gesticulant comme un apiculteur en pleine croisade. Camille, assise à côté de Christophe, semblait suivre d'un air distrait, bien que son regard glissait parfois vers lui, scrutant une ouverture. Quand elle intervint, sa voix, plus vive et légère, trancha agréablement avec le flot ininterrompu des paroles du baron. « Dis-moi, Totoff, lança-t-elle soudain, rompant le fil de la conversation, « tu as un peu de temps cet après-midi ?» Christophe, surpris, tourna la tête vers elle, tandis que le baron, absorbé par une digression sur la pollinisation croisée, ne remarqua même pas l'interruption. « Pour ?» demanda-t-il en jouant l'innocence, bien conscient que Camille avait déjà un plan derrière la tête. Elle s'adossa au dossier de sa chaise, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « J'ai un projet en tête. Il faudrait que tu viennes faire une petite balade avec moi. » Christophe arqua un sourcil, feignant l'intrigue. « Un projet » répétait-il, tout en devinant que Camille mijotait quelque chose d'inattendu. Camille répondit d'un simple regard, mais l'éclat espiègle dans ses yeux parlait pour elle. Elle se leva d'un geste fluide et, sans attendre, se dirigea vers la porte. « Suis-moi, je t'expliquerai en chemin. » Christophe se redressa poliment, jetant un dernier coup d'œil au baron, toujours emporté dans sa passion pour les abeilles. Il murmura une excuse à demi formulée avant de suivre Camille hors du salon, soulagé de retrouver un peu d'air frais. Dehors, le vent jouait doucement avec les feuilles, tandis que le soleil, filtrant à travers les branches des grands arbres du parc, projetait des ombres dansantes sur le gravier de l'allée. Camille marchait devant Christophe, son pas léger, presque sautillant, trahissant une excitation difficile à contenir. Plus loin, à l'abri des regards, elle ralentit le pas jusqu'à ce que Christophe la rattrape. « Alors ce fameux projet » lança-t-il en adoptant un ton faussement désinvolte, bien qu'un soupçon de curiosité dans sa voix le trahisse. Camille pivota légèrement vers lui, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Tu sais que je n'oublie jamais nos meilleures folies, Totoff, et celle-ci pourrait bien surpasser toutes les autres. » Il plissa les yeux, partagés entre amusement et intrigue. « Une folie, hein ? Pas seulement une folie, » corrigea-t-elle en reprenant sa marche, ses mains effleurant distraitement les buissons taillés au cordeau qui bordaient l'allée. « Une collaboration. Toi et moi, on a toujours eu un certain talent pour les idées qui sortent de l'ordinaire, tu ne trouves pas ?» Christophe esquissa un sourire sans se presser de répondre. « Je suppose que ça dépend de ce que tu appelles l'ordinaire. »« Exactement, » répondit Camille, sans perdre son air énigmatique, « mais je préfère t'en parler une fois que nous serons loin des oreilles indiscrètes. » Ils poursuivirent leur chemin en silence, leurs pas résonnant sur le gravier, jusqu'à ce qu'ils atteignent un bosquet isolé à l'abri des regards indiscrets. L'air embaumait légèrement la lavande et les roses anciennes, tandis que la lumière du soleil jouait sur leurs visages. Camille s'arrêta enfin, se tournant vers Christophe avec cet éclat malicieux qu'il connaissait si bien. « Avec ton esprit inventif et mon sens de la mise en scène, on pourrait créer quelque chose de vraiment grand. Pas ici, bien sûr, ce serait trop convenu. » Elle leva les yeux vers la cime des arbres, comme si elle laissait son imagination s'élancer avec le vent avant d'ajouter, d'un ton presque rêveur. « Disons plutôt, à une vingtaine de kilomètres d'ici, à Rouperoux-le-Coquet, près de chez tes parents. » Christophe haussa un sourcil, fixant son ami, dont le visage rayonnait d'enthousiasme. « Quelque chose de grand, hein » répéta-t-il, son intérêt sincère masqué par un ton faussement nonchalant. « J'aime bien les défis. » Camille se rapprocha d'un pas, plantant son regard espiègle dans le sien. « Moi aussi, Totoff, et crois-moi, celui-là, il va attirer beaucoup de monde. » Christophe n'en répondit pas immédiatement. Une étincelle d'excitation commençait déjà à danser dans son esprit. Il savait parfaitement qu'accepter de suivre Camille, c'était s'aventurer sur un terrain instable, souvent imprévisible. Mais n'était-ce pas justement ce qui rendait la chose irrésistible? Le souffle léger du vent fit bruisser les feuilles au-dessus d'eux, et un frisson parcourut Christophe. Était-ce à cause de la fraîcheur de l'air ou de la promesse imprévisible qui se dessinait dans le regard de Camille? Il n'aurait su le dire. Une chose était certaine, il était déjà embarqué.